La princesse printanière par Madame Marie-Catherine d'Aulnoy. Il était une fois un roi et une reine qui avaient eu plusieurs enfants, mais ils mouraient tous, et le roi et la reine étaient si fâchés que rien plus, car ils avaient des biens de reste, il ne leur manquait que des enfants. Il y avait 5 ans que la reine n'en avait eu. Tout le monde croyait qu'elle n'en aurait plus parce qu'elle s'affligeait trop quand elle pensait à tous ces petits princes si jolis qui étaient morts. Enfin, la reine devint grosse. Elle ne faisait que songer nuit et jour comment elle ferait pour conserver la vie à la petite créature qu'elle devait avoir, au nom qu'elle porterait, aux habits, aux poupées, aux joujoux qu'elle lui donnerait. On avait sonné à son de trompe et affiché à tous les carrefours que les meilleures nourrices eussent à se présenter devant la reine, parce qu'elle en voulait choisir une pour son enfant. Voici qu'il en vint des 4 coins du monde. Ce n'étaient que nourrices avec leurs poupards. Un jour donc que la reine prenait le frais dans un grand bois, elle s'assit et dit au roi, « Sire, faisons venir toutes nos nourrices. Choisissons-en une, car nos vaches n'ont pas assez de lait pour fournir de la bouillie à tant de petits-enfants. » « Très volontiers, mamie, » dit le roi. « Allons, que l'on appelle les nourrices. » Les voilà toutes qui viennent, l'une après l'autre, faisant une belle révérence au roi et à la reine, puis elles se mettent en haie, chacune contre un arbre. Après qu'elles se furent rangées et que l'on eut admiré leur teint frais, leurs belles dents et leurs seins remplis de bon lait, l'on voit venir dans une brouette, poussée par 2 vilains petits nains, un laidron qui avait les pieds de travers, les genoux sous le menton, une grosse bosse, les yeux louches et la peau plus noire que de l'encre. Elle tenait entre ses bras un petit magot de singe à qui elle donnait à téter et elle parlait un jargon que l'on n'entendait pas. Elle vint à son tour pour s'offrir, mais la reine la repoussant, « Allez, grosse laide, lui dit-elle, vous n'êtes qu'une malapprise de venir devant moi, faites comme vous voilà. Si vous y restez davantage, je vous en ferai bien ôter. » Cette maussade passa, grommelant bien fort, et traînée par ses 2 affreux petits nains, elle fut se ficher dans le creux d'un gros arbre d'où elle pouvait tout voir. La reine, qui ne songeait plus à elle, choisit une belle nourrice. Mais dès qu'elle l'eut nommée, voilà qu'un horrible serpent, qui était caché sous les herbes, la pique au pied. Elle tombe comme morte. La reine, bien chagrine de cet accident, jette les yeux sur une autre. Aussitôt passe un aigle volant qui tenait une tortue. Il la laisse tomber sur la tête de la pauvre nourrice, qui fut cassée en pièces, comme un verre. La reine, encore plus affligée, appela une 3e nourrice, qui, voulant s'avancer au plus vite, se laisse choir contre un buisson plein de longues épines et se crève l'œil. « Ah ! S'écria la reine, il y a aujourd'hui bien du malheur dans mon affaire. Il n'est pas possible que je choisisse une nourrice sans lui porter guignon. J'en laisserai le soin à mon médecin. » En se levant pour retourner au palais, elle entend rire à gorge déployée, elle regarde et voit derrière elle la méchante bossue qui était comme une guenon avec son fagotin de singe dans la brouette. Dame, elle se moquait de toute la compagnie, et particulièrement de la reine. Cette princesse en eut si grand dépit qu'elle voulut aller à elle pour la battre, se doutant bien qu'elle était cause du mal des nourrices. Mais la bossue, ayant frappé 3 coups de sa baguette, les nains furent changés en griffons ailés, la brouette en chariot de feu, et tout s'envola dans l'air, faisant des menaces et de grands cris. « Hélas, mamie, nous sommes perdus, » dit le roi, « c'est ici la fée Carabosse. La méchante me haïssait dès le temps que j'étais petit garçon, pour une espièglerie que je lui fis, avec du soufre dans son potage. Depuis cela, elle a toujours cherché à s'en venger. » La reine se prit à pleurer. « Si j'avais pu deviner son nom, » dit-elle, « j'aurais tâché de m'en faire une amie. Je crois que je voudrais être morte. » Quand le roi la vit si affligée, il lui dit, « Mamour, allons tenir le conseil sur ce que nous avons à faire. » Il l'emmena par-dessous les bras, car elle tremblait encore de la peur que lui avait faite Carabosse. Quand le roi et la reine furent dans la chambre, ils firent appeler leurs conseillers. L'on ferma bien les portes et les fenêtres pour n'être pas entendus. Et l'on prit la résolution de convier à la naissance de l'enfant toutes les fées à 1000 lieues à la ronde. L'on fit partir en même temps des courriers et l'on écrivit aux fées de belles lettres, fort civiles, pour qu'elles prissent la peine de venir aux couches de la reine et de tenir l'affaire secrète, car l'on tremblait de peur que Carabosse n'en fût averti et qu'elle ne vînt faire du grabuge. Pour récompense de leur peine, on leur promettait une ongreline de velours bleu, un cotillon de velours amarante, des pantoufles de satin cramoisi tailladé, de petits ciseaux dorés et un étui plein de fines aiguilles. Dès que les courriers furent partis, la reine commença de travailler avec ses demoiselles et ses servantes à tout ce qu'elle avait promis aux fées. Elle en connaissait plusieurs, mais il n'en vint que 5. Elles arrivèrent dans le moment que la reine venait d'avoir une petite princesse. Voilà qu'elle s'enferme vitement pour la douer. La première la doua d'une beauté parfaite, la seconde d'avoir infiniment de l'esprit, la troisième de chanter merveilleusement bien, la quatrième de faire des ouvrages en prose et en vers. Comme la cinquième ouvrait la bouche pour parler, l'on entendit dans la cheminée un bruit comme d'une grosse pierre qui tomberait du haut d'un clocher, et Carabosse parut toute barbouillée de suie, criant à tue-tête « Je doue cette petite créature de guignon guignonnant jusqu'à l'âge de 20 ans ». À ces mots, la reine, qui était dans son lit, se prit à pleurer et à prier Carabosse d'avoir pitié de la petite princesse. Toutes les fées lui disaient « Hélas, ma sœur, déguignonnez-la, que vous a-t-elle fait ?» Mais cette laide fée hongrait et ne répondait point. De sorte que la cinquième, qui n'avait pas parlé, tâcha de raccommoder l'affaire et la doua d'une longue vie, pleine de bonheur, après que le temps de la malédiction serait passé. Carabosse n'en fit que rire et elle se mit à chanter 20 chansons ironiques en regrimpant par la même cheminée. Toutes les fées en demeurèrent dans une grande consternation. Mais particulièrement la pauvre reine, elle ne laissa pas de leur donner ce qu'elle avait promis. Elle y ajouta même des rubans qu'elles aiment beaucoup. On leur fit grande chère, et la plus vieille dit en partant qu'elle était d'avis qu'on mit la princesse, jusqu'à l'âge de 20 ans, en quelque lieu où elle ne vit personne, que les femmes qu'on lui donnerait, et qu'elle fût bien enfermée. Là-dessus, le roi fit bâtir une tour couverte où il n'y avait point de fenêtre. L'on n'y voyait clair qu'avec de la bougie. On y arrivait par une voûte qui allait une lieue sous terre. C'était par là que l'on apportait aux nourrices et aux gouvernantes tout ce qu'il leur fallait. Il y avait de 20 pas en 20 pas de grosses portes qui fermaient bien et des gardes partout. L'on avait nommé la jeune princesse printanière parce qu'elle avait un teint de lys et de rose, plus frais et plus fleuri que le printemps. Elle se rendait admirable dans toutes les choses qu'elle disait ou qu'elle faisait. Elle apprenait les sciences les plus difficiles comme les plus aisées, et elle devenait si grande et si belle que le roi et la reine ne la voyaient jamais sans pleurer de joie. Elle les priait quelquefois de rester avec elle ou de l'emmener avec eux, car elle s'ennuyait sans bien savoir pourquoi. Mais ils différaient toujours. Sa nourrice, qui ne l'avait point quittée et qui ne manquait pas d'esprit, lui contait quelquefois comme le monde était fait, et elle le comprenait aussitôt avec autant de facilité que si elle l'eût vu. Le roi disait souvent à la reine « Mamie, Carabosse en sera la dupe. Nous serons plus fins qu'elle. Notre printanière sera heureuse, en dépit de ses prédictions. » Et la reine riait jusqu'aux larmes de songer au dépit de la méchante fée. Ils avaient fait peindre printanière et envoyer ses portraits par toute la terre, car le temps de la retirer de la tour approchait. Ils voulaient la marier. Il ne restait plus que 4 jours pour accomplir les 20 ans. La cour et la ville étaient dans une grande joie de la prochaine liberté de la princesse, et elle fut augmentée par la nouvelle que le roi Merlin voulait l'avoir pour son fils, et qu'il envoyait son ambassadeur Fanfarinet pour en faire la demande. La nourrice, qui disait tout à la princesse, lui conta ceci, et qu'il n'y aurait rien au monde de si beau que l'entrée de Fanfarinet. « Ah, que je suis infortunée !» s'écria-t-elle. « On me retient dans une sombre tour, comme si j'avais commis quelque grand crime. Je n'ai jamais vu le ciel, le soleil et les étoiles dont on dit tant de merveilles. Je n'ai jamais vu un cheval, un singe, un lion, si ce n'est en peinture. Le roi et la reine disent qu'ils me retireront d'ici quand j'aurai 20 ans, mais ils veulent m'amuser pour me faire prendre patience, et je sais fort bien qu'ils m'y veulent laisser périr, sans que je les ai offensés en rien. » Là-dessus, elle se prit à pleurer tant et tant qu'elle en avait les yeux gros comme le poing. Et la nourrice, et la sœur de lait, et la remueuse, et la berceuse, et l'amie, qui l'aimait toutes passionnément, se mirent aussi à pleurer tant et tant qu'on n'entendait que des sanglots et des soupirs. Elles pensèrent en étouffer. C'était une grande désolation. Quand la princesse les vit en si bon train de s'affliger, elle prit un couteau et dit tout haut « Ça, ça, je suis résolue de me tuer tout à l'heure si vous ne trouvez le moyen de me faire voir la belle entrée de Fanfarinet. Jamais le roi et la reine ne le sauront. Avisez ensemble. » Si vous aimez mieux que je m'égorge dans cette place que de me donner cette satisfaction. » À ces mots, la nourrice et les autres recommencèrent à pleurer encore plus fort, et toutes résolurent de lui faire voir Fanfarinet ou de mourir en la peine. Elles passèrent le reste de la nuit à proposer des expédients sans en trouver. Et Printanière, qui se désespérait, disait sans cesse « Ne me faites plus à croire que vous m'aimez. Si vous m'aimiez, vous trouveriez bien de bons moyens. J'ai lu que l'amour et l'amitié viennent à bout de tout. » Enfin, elles conclurent qu'il fallait faire un trou à la tour, du côté de la ville par où Fanfarinet devait venir. Elles dérangèrent le lit de la princesse, et aussitôt elles se mirent toutes à travailler, sans cesser jour et nuit. À force de gratter, elles ôtaient le plâtre et puis les petites pierres. Elles en ôtèrent tant qu'elles firent un trou par où l'on pouvait passer une petite aiguille avec bien de la peine. Ce fut par là que Printanière aperçut le jour pour la première fois. Elle en demeura éblouie. Et comme elle regardait sans cesse au petit trou, elle vit paraître Fanfarinet à la tête de toute sa troupe. Il était monté sur un cheval blanc qui dansait au son des trompettes et qui sautait à merveille. 6 joueurs de flûte allaient devant. Ils jouaient les plus beaux airs de l'opéra et 6 hautbois répondaient par écho. Puis les trompettes faisaient grand bruit. Fanfarinet avait un habit tout en broderie, des perles, des bottes d'or, des plumes incarnates, des rubans partout, et tant de diamants, car le roi Merlin en avait des chambres pleines, que le soleil brillait moins que lui. Printanière, à cette vue, se sentit si hors d'elle qu'elle n'en pouvait plus. Et après y avoir un peu pensé, elle jura qu'elle n'aurait point d'autre mari que le beau Fanfarinet, qu'il n'y avait aucune apparence que son maître fût aussi aimable, qu'elle ne connaissait point l'ambition, que puisqu'elle avait bien vécu dans une tour, elle vivrait bien, s'il le fallait, dans quelque château à la campagne avec lui, qu'il lui semblait que du pain et de l'eau valent mieux avec lui que des poulets et du bonbon avec un autre. Enfin, elle en dit tant que ses femmes étaient bien en peine où elle en avait appris la 4e part. Et lorsqu'elles voulurent lui représenter son rang et le tort qu'elle se ferait, elle les fit taire sans daigner les écouter. Dès que Fanfarinet fut arrivé dans le palais du roi, la reine vint quérir sa fille. Toutes les rues étaient tapissées et les dames aux fenêtres. Les unes tenaient des corbeilles pleines de fleurs, d'autres pleines de perles, et ce qui était bien meilleur, d'excellentes dragées pour jeter sur elle quand elle passerait. L'on commençait à l'habiller lorsqu'arriva un nain à la tour, monté sur un éléphant. Il venait de la part des 5 bonnes fées qu'il avait douées le jour de sa naissance. Elle lui envoyait une couronne, un sceptre, une robe de brocart d'or, une jupe d'ailes de papillon d'un travail merveilleux, avec une cassette encore plus merveilleuse, tant elle était pleine de pierreries. Aussi la disait-on sans prix, et l'on n'a jamais vu tant de richesses ensemble. À cette vue, la reine se pâmait d'admiration. Pour la princesse, elle regardait tout cela assez indifféremment, parce qu'elle ne songeait qu'à Fanfarinet. On remercia le nain, il eut une pistole pour boire et plus de 1000 aunes de noms pareils, de toutes les couleurs, dont il se fit de belles jarretières, un nœud à sa cravate et à son chapeau. Ce nain était si petit que, quand il eut tous ses rubans, on ne le voyait plus. La reine lui dit qu'elle chercherait quelque belle chose pour renvoyer aux fées. Et la princesse, qui était fort généreuse, leur fit présent de plusieurs rouets d'Allemagne avec des quenouilles de bois de cèdre. L'on mit à la princesse tout ce que le nain avait apporté de plus rare. Elle parut à tout le monde d'une si grande beauté que le soleil s'en cacha de dépit, et la lune, qui n'est pas trop honteuse, n'osa paraître tant qu'elle fut en chemin. Elle allait à pied par les rues, marchant sur de riches tapis. Le peuple assemblé en foule criait autour d'elle « Ah, qu'elle est belle ! Ah, qu'elle est belle !» Comme elle allait dans ce pompeux appareil, entre la reine et 4 ou 5 douzaines de princesses du sang, sans compter plus de 10 douzaines qui étaient venues des états voisins pour assister à cette fête, le ciel commença de s'obscurcir, le tonnerre grondait, et la pluie, mêlée de grêle, tombait par torrents. La reine mit son manteau royal sur sa tête, toutes les dames y mirent leurs jupes, Printanière en allait faire autant, quand on entendit dans l'air plus de 1000 corbeaux, chouettes, corneilles, et autres oiseaux d'un sinistre augure, qui par leur croassement n'annonçaient rien de bon. En même temps, un vilain hibou, d'une grandeur prodigieuse, vint à tire-d'aile, tenant dans son bec une écharpe de toile d'araignée brodée d'ailes de chauve-souris. Il laissa tomber cette écharpe sur les épaules de Printanière, et l'on entendit de longs éclats de rire qui signifiaient assez que c'était là une mauvaise plaisanterie de la façon de Carabosse. À cette lugubre vision, tout le monde se mit à pleurer, et la reine, plus affligée que personne, voulut arracher l'écharpe noire. mais elle semblait clouée sur les épaules de sa fille. « Ah, dit-elle, voilà un tour de notre ennemi, rien ne peut l'apaiser. Je lui ai envoyé inutilement plus de 50 livres de confiture, autant de sucre royal et 2 jambons de Mayence. Elle n'en a tenu compte. » Pendant qu'elle se lamentait, on se mouillait jusqu'aux os. Printanière, entêtée de l'ambassadeur, gagnait toujours pays. Et sans dire un seul mot, elle songeait que pourvu qu'elle pût lui plaire, elle ne se souciait ni de Carabosse, ni de son écharpe de triste présage. Elle s'étonnait en elle-même qu'il ne vint point au-devant d'elle, quand tout d'un coup, elle le vit paraître à côté du roi. Aussitôt, les trompettes, les tambours et les violons firent un bruit agréable. Les cris du peuple redoublèrent, enfin, la joie parut extraordinaire. Fanfarinet avait beaucoup d'esprit, mais quand il vit la belle printanière avec tant de grâce et de majesté, il demeura si ravi qu'au lieu de parler, il ne faisait plus que bégayer. L'on aurait dit qu'il était ivre, sans que certainement il n'avait pris qu'une tasse de chocolat. Il se désespérait d'avoir oublié en un clin d'œil une harangue qu'il répétait tous les jours depuis plusieurs mois et qu'il savait assez bien pour la dire en dormant. Pendant qu'il donnait la question à sa mémoire pour la retrouver, il faisait de profondes révérences à la princesse, qui de son côté en fit 30 sans aucune réflexion. Enfin, elle prit la parole, et pour le tirer de l'embarras où elle le voyait, elle lui dit « Seigneur Fanfarinet, je connais sans peine que tout ce que vous pensez est charmant. Je vous tiens compte d'avoir tant d'esprit. Mais hâtons-nous de gagner le palais. Il pleut à verse. C'est la méchante Carabosse qui nous inonde. Quand nous serons à couvert, elle en sera la dupe. » Il lui répliqua galamment que la fée avait sagement prévu l'incendie que ses beaux yeux allaient faire, et que, pour le tempérer, elle répandait des déluges d'eau. Après ce peu de mots, il lui présenta la main pour lui aider à marcher. Elle lui dit tout bas, « J'ai pour vous des sentiments que vous ne devineriez jamais, si je ne vous les expliquais moi-même. Cela ne laisse pas de me faire de la peine, mais, on y soit qui mal y pense, sachez donc, monsieur l'ambassadeur, que je vous ai vu avec admiration monter sur votre beau cheval qui danse. J'ai regretté que vous vinssiez ici pour un autre que pour vous. Nous ne laisserons pas, si vous avez autant de courage que moi, d'y trouver du remède. Au lieu de vous épouser au nom de votre maître, je vous épouserai au vôtre. Je sais que vous n'êtes pas prince, vous me plaisez autant que si vous l'étiez. Nous nous sauverons ensemble dans quelque coin du monde. On en causera d'abord, et puis quelque autre fera comme moi, ou peut-être pis. On me laissera en repos pour parler de celle-là, et j'aurai le plaisir de vivre avec vous. » Fanfarinet crut rêver, car Printanière était une princesse si merveilleuse qu'à moins d'un étrange caprice, il ne pouvait jamais espérer cet honneur. Il n'eut pas même la force de lui répondre. S'ils avaient été seuls, il se serait jeté à ses pieds. Mais il prit la liberté de lui serrer la main si fort qu'il lui fit grand mal aux petits doigts, sans qu'elle criât, tant elle en était affolée. Quand elle entra dans le palais, il retentit de 1000 sortes d'instruments de musique, auxquels des voix presque célestes se joignirent si juste que l'on osait respirer, crainte de faire trop de bruit. Après que le roi eut baisé sa fille au front et aux 2 joues, il lui dit « Ma petite brebillette », car il lui donnait toutes sortes de noms d'amitié. « Ne veux-tu pas bien épouser le fils du grand roi Merlin ? Voici le seigneur Fanfarinet qui fera la cérémonie pour lui et qui t'emmènera dans le plus beau royaume du monde. »« Oui, da, mon père, » dit-elle en faisant une profonde révérence. « Je veux tout ce qu'il vous plaira pourvu que ma bonne maman y consente. »« J'y consens, ma mignonne, » dit la reine en l'embrassant. « Allons, que l'on couvre les tables. » Ce qu'on fit en diligence. Il y en avait 100 dans une grande galerie. Et de mémoire d'homme, l'on a tant mangé, excepté Printanière et Fanfarinet, qui ne songeaient qu'à se regarder et qui rêvaient si fort qu'ils en oubliaient tout. Après le repas, il y eut bal, ballet et comédie. Mais il était déjà si tard et l'on avait tant mangé que malgré qu'on en eût, on dormait tout debout. Le roi et la reine, saisis de sommeil, se jetèrent sur un canapé. La plupart des dames et des cavaliers ronflaient. Les musiciens détonnaient. Et les comédiens ne savaient ce qu'ils disaient. Nos amants seuls étaient éveillés comme des souris et se faisaient sans petite mine. La princesse, voyant qu'il n'y avait rien à craindre et que les gardes couchés sur leurs paillasses dormaient à leur tour, elle dit à Fanfarinet « Croyez-moi, profitons d'une occasion si favorable, car si j'attends la cérémonie des épousailles, Le roi me donnera des dames pour me servir, et un prince pour m'accompagner chez votre roi Merlin. Il vaut donc mieux nous en aller à présent, le plus vite que nous pourrons. » Elle se leva et prit le poignard du roi, qui était tout garni de diamants, et le couvre-chef que la reine avait ôté pour dormir plus à son aise. Elle donna sa main blanche à Fanfarinet pour sortir. Il la prit, et mettant un genou en terre, « Je jure, dit-il, à votre Altesse, une fidélité et une obéissance éternelles. Grande princesse, vous faites tout pour moi, que ne voudrais-je pas faire pour vous ?» Ils sortirent du palais, l'ambassadeur portait une lanterne sourde, et par des rues fort crottées, ils furent au port. Ils entrèrent dans un petit bateau où il y avait un pauvre vieux batelier qui dormait. Ils l'éveillèrent, et quand il vit Printanière si belle et si brave, avec tant de diamants et son écharpe de toile d'araignée, il la prit pour la déesse de la nuit, se mit à genoux devant elle, mais comme il ne fallait pas s'amuser, elle lui ordonna de partir. C'était beaucoup hasardé, car l'on ne voyait ni la lune, ni les étoiles. Le temps était encore couvert de la pluie que Carabosse avait excitée. Il est vrai qu'il y avait une escarboucle au couvre-chef de la reine, qui brillait plus que 50 flambeaux allumés. Et Fanfarinet, à ce qu'on dit, se serait bien passé de la lanterne sourde. Il y avait aussi une pierre qui rendait invisible. Fanfarinet demanda à la princesse où elle voulait aller. « Hélas, dit-elle, je veux aller avec vous, je n'ai que cela dans l'esprit. Mais, lui dit-il, madame, je n'ose vous conduire chez le roi Merlin, je n'y vaudrais pas à pendre. » « Eh bien, répliqua-t-elle, allons à l'île déserte des écureuils. Elle est assez éloignée pour qu'on ne nous y suive pas. » Elle commanda au marinier de partir, et bien qu'il n'eût qu'un petit bateau, il obéit. Comme le jour approchait, le roi, la reine et tout le monde, ayant un peu secoué les oreilles et frotté leurs yeux, ils ne songèrent qu'à conclure le mariage de la princesse. La reine, empressée, demanda son riche couvre-chef pour se coiffer. On le chercha depuis les cabinets jusque dans les poêlons, mais le couvre-chef n'y était point. La reine inquiète courait en bas, courait en haut, à la cave, au grenier. Il ne se pouvait trouver. Le roi voulut à son tour mettre son brillant poignard. L'on commença tout de même à fureter partout, et l'on ouvrit tels coffres et telles cassettes, dont il y avait plus de 100 ans que les clés étaient perdues. L'on y trouva 1000 raretés, des poupées qui remuaient la tête et les yeux, des brebis d'or avec leurs petits agneaux, de bonnes écorces de citron et des noix confites. Mais cela ne pouvait consoler le roi. Son désespoir était si grand qu'il s'arrachait la barbe, la reine par compagnie s'arrachait les cheveux, car en vérité le couvre-chef et le poignard valaient plus que 10 villes, grandes comme Madrid. Quand le roi vit qu'il n'y avait point d'espérance de rien retrouver, il dit à la reine, « Mamour, prenons courage, et nous dépêchons d'achever la cérémonie qui nous coûte déjà si cher. » Il demanda où était la princesse. Sa nourrice s'avança et lui dit, « Monseigneur, je vous assure qu'il y a plus de 2 heures que je la cherche, sans la pouvoir trouver. » Ces paroles mirent le comble à la douleur du roi et de la reine. Elle se prit à crier comme un aigle à qui on a ravi ses petits, et tomba évanouie. Il n'a jamais rien été de si pitoyable. On jeta plus de 2 seaux d'eau de la reine de Hongrie sur le visage de sa majesté, avant de la pouvoir faire revenir. Les dames et les demoiselles pleuraient, et tous les valets disaient, « Quoi ? La fille du roi est donc perdue ?» Le roi, voyant que la princesse ne paraissait plus, il dit à son grand-page, « Allez chercher Fanfarinet, qui dort dans quelque coin, pour qu'il vienne s'affliger avec nous. » Le page fut partout, partout, et le trouva aussi peu que l'on avait trouvé Printanière, le couvre-chef et le poignard. Voilà encore un surcroît d'affliction qui acheva de désoler leur majesté. Le roi fit appeler tous ses conseillers et ses gendarmes. Il entra avec la reine dans une grande salle que l'on avait promptement tendue de noir. Ils avaient quitté leurs beaux habits et pris chacun une longue robe de deuil, ceinte d'une corde. Quand on les vit en cet état, il n'y eut cœur si dur qu'il ne fût prêt à crever. La salle retentissait de sanglots et de soupirs. Les ruisseaux de larmes coulaient sur le plancher. Comme le roi n'avait pas eu le temps de préparer sa harangue, il demeura 3 heures, sans rien dire. Enfin, il commença ainsi. « Or, écoutez, petits et grands, j'ai perdu ma chère fille Printanière. Je ne sais si elle est fondue ou si on me l'a dérobée. Le couvre-chef de la reine et mon poignard, qui valent leur pesant d'or, sont aussi disparus avec elle. et qui pisait, l'ambassadeur Fanfarinet n'y est plus. Je crains bien que le roi, son maître, n'en recevant point de nouvelles, ne vienne le chercher parmi nous, et qu'il ne nous accuse de l'avoir haché comme chair à pâté. Encore prendrais-je patience si j'avais de l'argent, mais je vous avoue que les frais de la noce m'ont ruiné. Avisez donc, mes chers sujets, ce que je peux faire pour retrouver ma fille, Fanfarinet, et le reste. » Chacun admira la belle harangue du roi. Il n'en avait jamais fait de si éloquente. Le seigneur Gambi, chancelier du royaume, prit la parole et dit « Sire, nous sommes tous bien fâchés de votre fâcherie, et nous voudrions avoir donné jusqu'à nos femmes et à nos petits-enfants, et que vous n'eussiez pas un si grand sujet de vous fâcher. » Mais apparemment, c'est un tour de la fée Carabosse. Les 20 ans de la princesse n'étaient pas encore accomplis. Et puisqu'il faut tout dire, j'ai remarqué qu'elle regardait à tout moment Fanfarinet, et qu'il la regardait aussi. Peut-être que l'amour a fait là quelque tour de son métier. À ces mots, la reine, qui était fort prompte, l'interrompit. « Prenez garde à ce que vous avancez, lui dit-elle, seigneur Gambi. Sachez que la princesse n'est pas d'humeur à s'amouracher de Fanfarinet. Je l'ai trop bien élevée. » Là-dessus, la nourrice, qui écoutait tout, vint se mettre à genoux devant le roi et la reine. « Je viens, dit-elle, vous avouer ce qui est arrivé. La princesse eut envie de voir Fanfarinet ou de mourir. Nous fîmes un petit trou par lequel elle l'aperçut, et sur le champ, elle jura qu'elle n'en aurait jamais d'autre. » À ces nouvelles, chacun s'affligea. L'on connut bien que le chevalier Gambi avait beaucoup de pénétration. La reine, toute dépitée, gronda tant la nourrice, la sœur de lait, la remueuse, la berceuse, l'amie, que pour les étrangler, l'on n'en aurait pas dit davantage. L'amiral, chapeau pointu, interrompant la reine, s'écria « Allons, allons après, Fanfarinet, il n'en faut point douter, ce godeneau a enlevé notre princesse. » Tout le monde battit des mains et répondit « Allons !» Voilà que les uns se mirent sur la mer, que les autres allèrent de royaume en royaume, battant le tambour et sonnant la trompette. Puis, quand on s'amassait autour d'eux, ils criaient « Qui veut gagner une belle poupée, des confitures sèches et liquides, des petits ciseaux, une robe d'or, un beau bonnet de satin, n'a qu'à nous enseigner la princesse printanière que Fanfarinet emmène ?» Chacun répondait « Allez ailleurs, nous ne les avons point vus !» Ceux qui poursuivaient la princesse par mer furent plus heureux, car, après une assez longue navigation, ils aperçurent pendant une nuit quelque chose qui brillait devant eux, comme un grand feu. Ils n'osèrent en approcher, ne sachant ce que ce pouvait être. Mais tout d'un coup, cette lumière s'arrêta dans l'île déserte des écureuils, car c'était en effet la princesse et son amant avec l'escarboucle qui brillait. Ils descendirent, et après avoir donné 100 écus d'or au bonhomme qui les avait amenés, ils lui dirent adieu et lui défendirent sur les yeux de sa tête de parler de rien, à personne. La première chose qu'il rencontra, ce fut les vaisseaux du roi, qu'il n'eut pas plutôt reconnu qu'il les voulut éviter. Mais l'amiral, l'ayant aperçu, dépêcha une barque après. Et le bonhomme était si vieux et si faible qu'il n'avait pas assez de force pour ramer. On le joignit et on l'amena devant l'amiral qui le fit fouiller. On lui trouva les 100 écus d'or tout neufs, car on avait battu monnaie pour les noces de la princesse. L'amiral le questionna, et pour n'être point obligé de répondre, il feignait d'être sourd et muet. « Ça, ça !» dit l'amiral, « que l'on m'attache ce muet au grand mât, et qu'on lui donne les étrivières. Il n'y a rien de meilleur pour les muets. » Quand le vieillard vit que c'était tout de bon, il avoua qu'une fille, plus céleste qu'humaine, et un gentil cavalier, lui avait commandé de les conduire dans l'île déserte des écureuils. À ces mots, l'amiral jugea bien que c'était la princesse. Il fit avancer sa flotte pour entourer l'île. Cependant, Printanière, fatiguée de la nuit, ayant trouvé un gazon vert sous des arbres épais, se coucha dessus et s'endormit doucement. Mais Fanfarinet, qui avait plus de faim que d'amour, ne la laissa pas longtemps en repos. « Croyez-vous, madame, lui dit-il, en l'éveillant, que je puisse demeurer longtemps ici, je n'y vois rien à manger. Quand vous seriez plus belle que l'aurore, cela ne me suffirait pas. Il faut de quoi se nourrir. J'ai les dents bien longues et l'estomac bien vide. » « Quoi, Fanfarinet ? Lui répliqua-t-elle. « Est-il possible que les marques de mon amitié ne vous tiennent lieu de rien ? Est-il possible que vous ne soyez pas occupé de votre bonne fortune ?»« Je le suis bien plutôt de mon malheur, s'écria-t-il. plût au ciel que vous fussiez encore dans votre noire tour !»« Beau chevalier, lui dit-elle gracieusement, je vous prie de ne vous point fâcher. Je vais chercher partout. Peut-être que je trouverai des fruits. Puissiez-vous, lui dit-il, trouver un loup qui vous mange ?» La princesse affligée courut dans le bois, déchirant ses beaux habits aux ronces et sa peau blanche aux épines. Elle était égratignée comme si elle avait joué avec des chats. Voilà ce que c'est d'aimer les garçons. Il n'en arrive que des peines. Après avoir été partout, elle revint bien triste vers Fanfarinet et lui dit qu'elle n'avait rien trouvé. Il lui tourna le dos et s'éloigna d'elle, grommelant entre ses dents. Ils cherchèrent le lendemain aussi inutilement, de sorte qu'ils restèrent 3 jours sans manger que des feuilles et quelques hannetons. La princesse ne s'en plaignait point, quoiqu'elle fût bien plus délicate. « Je serais contente, lui disait-elle, si je souffrais seule, et je ne me soucierais pas de mourir de faim, pourvu que vous eussiez de quoi faire bonne chère. Il me serait indifférent, répliqua-t-il, que vous mourussiez si j'avais ce qu'il me faut. Est-il possible, ajouta-t-elle, que vous seriez si peu touchée de ma mort ? Sont-ce là les serments que vous m'avez faits ? Il y a grande différence, dit-il, d'un homme à son aise, qui n'a ni faim ni soif, ou d'un malheureux prêt à expirer dans une île déserte. Je suis dans le même danger, continua-t-elle, et je ne m'en plains pas. Vous y auriez bonne grâce, reprit-il brusquement. Vous avez voulu quitter père et mère pour venir courir la prétentaine. Nous voilà fort à notre aise. Mais c'est pour l'amour de vous, Fanfarinet, dit-elle en lui tendant la main. Je m'en serais bien passé, dit-il. Et là-dessus, il lui tourna le dos. La belle princesse, outrée de douleur, se prit à pleurer tant et tant qu'elle aurait attendri un rocher. Elle s'assit au pied d'un buisson chargé de roses blanches et vermeilles. Après les avoir regardées quelque temps, elle leur dit « Que vous êtes heureuse, jeune fleur, les zéphyrs vous caressent, la rosée vous humecte, le soleil vous embellit, les abeilles vous chérissent, vos épines vous défendent, chacun vous admire. Hélas, faut-il que vous soyez plus tranquille que moi ?» Cette réflexion lui fit répandre une si grande abondance de larmes que le pied du rosier en était tout mouillé. Elle vit alors, avec un grand étonnement, que le buisson s'agitait, que les roses s'épanouissaient et que la plus belle lui dit « Si tu n'avais point aimé, ton sort serait aussi digne d'envie que le mien. Qui aime s'expose au dernier malheur, pauvre princesse. Prends dans le creux de cet arbre un rayon de miel, mais ne sois pas assez simple pour en donner à Fanfarinet. » Elle courut à l'arbre, ne sachant encore si elle rêvait ou si elle était bien éveillée. Elle trouva le miel, et dès qu'elle l'eut, elle le porta à son ingrat amant. « Voici, lui dit-elle, un rayon de miel. J'aurais pu le manger seul, mais j'aime mieux le partager avec vous. » Sans la remercier ni la regarder, il le lui arracha et le mangea tout entier, refusant de lui en donner un petit morceau. Il ajouta même la raillerie à la brutalité et lui dit que cela était trop sucré, qu'elle se gâterait les dents et cent autres impertinences semblables. Printanière, plus affligée qu'elle ne l'eût encore été, s'assit sous un chêne et lui fit à peu près un compliment semblable à celui qu'elle avait fait au rosier. Le chêne, ému de compassion, baissa vers elle quelques-unes de ses branches et lui dit « Ce serait dommage que tu cessasses de vivre, belle printanière. Prends cette cruche de lait et la bois, sans en donner une goutte à ton ingrat amant. » La princesse, tout étonnée, regarda derrière elle. Aussitôt, elle vit une grande cruche, pleine de lait. Elle ne se souvint alors que de la soif que Fanfarinet pouvait avoir, après avoir mangé plus de 15 livres de miel. Elle courut lui porter sa cruche. « Désaltérez-vous, beau Fanfarinet, dit-elle, et souvenez-vous de m'en garder, car je meurs de faim et de soif. » Il prit rudement la cruche, il but tout d'un trait, puis la jetant sur des pierres, il la mit en morceaux, disant avec un sourire malin « Quand on n'a pas mangé, l'on n'a pas de soif. » La princesse joignit ses mains l'une dans l'autre et levant ses beaux yeux vers le ciel. « Ah ! S'écria-t-elle, je l'ai bien mérité. » Voilà une juste punition pour avoir quitté le roi et la reine, pour avoir aimé si inconsidérément un homme que je ne connaissais point, pour avoir fui avec lui sans me souvenir de mon rang ni des malheurs dont j'étais menacée par Carabosse. » Elle se prit encore à pleurer plus amèrement qu'elle eût fait de sa vie, et, s'enfonçant dans le plus épais du bois, elle tomba de faiblesse au pied d'un ormeau, sur lequel était perché un rossignol qui chantait à merveille. Il disait ces paroles en battant des ailes comme s'il ne les eût chantées que pour printanière. Il les avait apprises, exprès, d'Ovide. L'amour est un méchant. Jamais le petit traître ne nous fait de faveur qu'il ne les fasse en maître. Et que sous les appâts de ses fausses douceurs, ses traits envenimés n'empoisonnent les cœurs. « Qui le peut mieux savoir que moi ? » s'écria-t-elle en l'interrompant. « Hélas, je ne connais que trop toute la cruauté de ses traits et celle de mon sort. « Prends courage, lui dit l'amoureux rossignol, et cherche dans ce buisson. Tu y trouveras des dragées et des tartelettes de chez le coq. Mais ne sois plus assez imprudente pour en donner à Fanfarinet. » La princesse n'avait pas besoin de cette défense pour s'en garder. Elle n'avait pas encore oublié les deux derniers tours qu'il lui avait faits. Et puis, elle avait un si grand besoin de manger qu'elle croqua toute seule les amandes et les tartelettes. Le goulu Fanfarinet, l'ayant aperçu manger sans lui, entra dans une si grande colère qu'il accourut, les yeux étincelants de rage et l'épée à la main, pour la tuer. Elle découvrit promptement la pierre du couvre-chef, qui rendait invisible. Et s'éloignant de lui, elle lui reprocha son ingratitude dans des termes qui faisaient assez connaître qu'elle ne pouvait encore le haïr. Cependant, l'amiral Chapeau Pointu, ayant dépêché Jean Caquet, Beauté de Paille, courrier ordinaire du cabinet, pour aller dire au roi que la princesse et Fanfarinet étaient descendus dans l'île des Écureuils, mais que, ne connaissant pas le pays, ils craignaient les embuscades. Ces nouvelles, qui donnèrent beaucoup de joie à leur majesté, le roi se fit apporter un grand livre, dont chaque feuillet avait 8 aunes de long. C'était le chef-d'œuvre d'une savante fée où était la description de toute la terre. Il connut aussitôt que l'île des Écureuils n'était pas habitée. « Va, dit-il à Jean Caquet, ordonnez de ma part à l'amiral de descendre promptement. Il se serait bien passé, et moi aussi, de laisser ma fille si longtemps avec Fanfarinet. » Dès que Jean Caquet fut arrivé à la flotte, l'amiral fit battre les tambours, les timbales. L'on sonne les trompettes, l'on joue du hautbois, de la flûte, du violon, de la vielle, des orgues, de la guitare. Voilà un tintamarre désespéré, car tous ces instruments de guerre et de paix se faisaient entendre par toute l'île. À ce bruit, la princesse alarmée courut vers son amant pour lui offrir son secours. Il n'était pas brave. Le péril les réconcilia bien vite. « Tenez-vous derrière moi, lui dit-elle. Je marcherai devant, je découvrirai la pierre invisible et je prendrai le poignard de mon père pour tuer les ennemis, pendant que vous les tuerez avec votre épée. » La princesse invisible s'avança parmi les gendarmes. Fanfarinet et elle tuaient tout sans être vus. L'on n'entendait autre chose que crier « Je suis mort, je me meurs !» Les soldats avaient beau tirer, ils n'attrapaient rien, car la princesse et son amant faisaient le plongeon comme des cannes et les coups passaient par-dessus leur tête. Enfin, l'amiral affligé de perdre tant de monde, d'une manière si extraordinaire, sans savoir qui l'attaquait, ni comment se défendre, fit sonner la retraite et retourna dans ses vaisseaux pour tenir conseil. La nuit était déjà bien avancée. La princesse et Fanfarinet allèrent se réfugier dans le plus épais du bois. Elle était si lasse qu'elle se coucha sur l'herbe et commençait à dormir lorsqu'elle entendit une petite voix douce qui lui dit à l'oreille. « Sauve-toi, printanière, car Fanfarinet veut te tuer et te manger. » Ouvrant vite les yeux, elle aperçut, à la lueur de son escarboucle, que le méchant Fanfarinet avait le bras levé, prêt à lui percer le sein de son épée. Car la voyant si grassette et si blanchette, et ayant bon appétit, il voulait la tuer pour la manger. Elle ne délibéra plus sur ce qu'elle devait faire. Elle tira doucement son poignard qu'elle avait gardé depuis la bataille, et elle lui en donna un si furieux coup dans l'œil qu'il mourut sur le champ. « Va, ingrat ! » s'écria-t-elle. « Reçois cette dernière faveur comme celle que tu as le mieux méritée. Sers à l'avenir d'exemple aux perfides amants, et que ton azur déloyal ne jouisse d'aucun repos. » Lorsque les premiers mouvements de colère furent passés, et qu'elle pensa à l'état où elle était, elle demeura presque aussi morte que celui qu'elle venait de tuer. « Que deviendrai-je » s'écriait-elle en pleurant. « Je suis seule dans cette île. Les bêtes sauvages me vont dévorer ou je mourrai de faim. » Elle regrettait presque de ne s'être pas laissée manger à Fanfarinet. Elle s'assit toute tremblante, attendant le jour qu'elle souhaitait bien fort, car elle craignait les esprits et surtout le cauchemar. Comme elle était appuyée contre un arbre et qu'elle regardait en l'air, elle aperçut d'un côté un beau chariot d'or, tiré par 6 grosses poules huppé, un coq servait de cocher et un poulet gras de postillon. Il y avait dans le chariot une dame si belle qu'elle ressemblait au soleil. Son habit était tout brodé de paillettes d'or et de barres d'argent. Elle vit un autre chariot attelé de 6 chauves-souris. Un corbeau servait de cocher et un escarbeau de postillon. Il y avait dedans une petite magotine affreuse dont l'habit était de peau de serpent et sur sa tête un gros crapaud qui servait de fontange. Jamais, au grand jamais, l'on n'a été si étonné que le fut la jeune princesse. Comme elle considérait ces merveilles, elle vit tout d'un coup les chariots s'avancer l'un vers l'autre, et la belle dame, tenant une lance dorée et la laide une pique rouillée, ils commencèrent un rude combat qui dura plus d'un quart d'heure. Enfin, la belle fut victorieuse. La laide s'enfuit avec ses chauves-souris. En même temps, la belle descendit jusqu'à terre et s'adressant à Printanière, « Ne craignez point, aimable princesse, lui dit-elle, je ne viens en ces lieux que pour vous obliger. Le combat que j'ai eu contre Carabosse n'a été que pour l'amour de vous. Elle voulait avoir l'autorité de vous donner le fouet parce que vous êtes sorti de la tour 4 jours avant les 20 ans. Mais vous avez vu que j'ai pris votre parti et que je l'ai chassé. Jouissez du bonheur que je vous ai acquis. » La princesse, reconnaissante, se prosterna devant elle. « Grande reine des fées, lui dit-elle, votre générosité me ravit. Je ne sais comment vous remercier, mais je sens bien que je n'ai pas une goutte de ce sang que vous venez de conserver, qui ne soit à votre service. » La fée l'embrassa 3 fois et la rendit encore plus belle qu'elle n'était, en cas que ce fût une chose possible. Elle ordonna à son coq d'aller au vaisseau du roi, dire à l'amiral de venir sans crainte. Et elle envoya le poulet gras à son palais quérir les plus beaux habits du monde pour Printanière. L'amiral, aux nouvelles que lui dit le coq, demeura si ravi qu'il en pensa être malade. Il vint promptement dans l'île avec tous ses gens et jusqu'à Jean Caquet, qui, voyant la précipitation avec laquelle chacun descendait des vaisseaux, se hâta comme les autres et prit sur son épaule une broche qui était toute chargée de gibier. À peine l'amiral Chapeau Pointu eut-il fait une lieue qu'il vit dans une grande route du bois le chariot aux poules et les 2 dames qui se promenaient. Il reconnut sa princesse et vint se mettre à ses pieds. Mais elle lui dit que tous les honneurs étaient dus à la généreuse fée qu'il avait garantie des griffes de Carabosse, de sorte qu'il lui baisa le bas de sa robe et lui fit le plus beau compliment qui se soit jamais prononcé en pareille occasion. Pendant qu'il parlait, la fée l'interrompit et s'écria « Je vous jure que je sens du roux. » « Oui, madame, » répliqua Jean Caquet en montrant la broche chargée d'excellents petits pieds. « Il ne tiendra qu'à votre grandeur d'en tâter. »« Très volontiers, » dit-elle, « moins pour l'amour de moi que pour l'amour de la princesse qui a besoin de faire un bon repas. » En même temps, l'on fut quérir au vaisseau toutes les choses nécessaires. Et la joie d'avoir retrouvé la princesse, jointe à la bonne chair, ne laissait rien à souhaiter. Le repas étant fini, et le poulet gras de retour, la fée habilla Printanière d'une robe de brocart d'or et vert, semée de rubis et de perles. Elle noua ses beaux cheveux blonds avec des cordons de diamants et d'émeraudes. Elle la couronna de fleurs, et la faisant monter dans son chariot, toutes les étoiles qui la virent passer crurent que c'était l'aurore qui ne s'était pas encore retirée. Et elles lui dirent, en passant, « Bonjour, l'aurore !» Après de grands adieux de la part de la fée et de celle de la princesse, elle lui dit « Et quoi, madame, ne dirai-je point à la reine ma mère qui m'a fait tant de bien ?»« Belle princesse, répliqua-t-elle, embrassez-la pour moi, et lui dites que je suis la 5e fée qui vous doua à votre naissance. » La princesse, étant dans le vaisseau, l'on tira tout le canon et plus de 1000 fusées. Elle arriva très heureusement au port, et trouva le roi et la reine qui l'attendaient avec tant de bonté qu'ils ne lui laissèrent pas le temps de leur demander pardon de ses extravagances passées, quoiqu'elle se fût jetée à leurs pieds dès qu'elle les avait vus. Mais la tendresse paternelle l'avait prévenue et l'on mit tout sur la vieille Carabosse. Dans le même temps, le fils du grand roi Merlin arriva, inquiet de ne recevoir aucune nouvelle de son ambassadeur. Il avait 1000 chevaux et 30 laquais bien habillés de rouge, avec de riches galons d'or. Il était 100 fois plus aimable que l'ingrat Fanfarinet. L'on eut garde de lui conter l'aventure de l'enlèvement, car cela lui aurait peut-être donné quelques soupçons. On lui dit d'un air fort sincère que son ambassadeur ayant soif, ayant voulu tirer de l'eau pour boire, était tombé dans le puits et s'y était noyé. Il le crut sans peine et l'on fit la noce, où la joie fut si grande qu'elle effaça tous les chagrins passés. À quelque chose qu'amour nous puisse assujettir, des règles du devoir on ne doit point sortir. Et malgré le penchant qui souvent nous entraîne, je veux que la raison soit toujours souveraine, que toujours maîtresse du cœur, elle règle à son gré nos vœux et notre ardeur. Ici se termine La Princesse Printanière. Musique Vivaldi du site museopen.org.